De retour à Futur Simple, c'est François Léouard qui vous parle. Alors, on vient de parler à Christiane Dupont qui nous a parlé de la douleur. Et maintenant, on va passer, en fait, au sixième sens chez les animaux. Alors, est-ce que les animaux possèdent un sixième sens qui leur permette de sentir les catastrophes venir? Alors, pour nous en parler, je reçois Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Eh bien, selon plusieurs études et observations qui ont été faites jusqu'à maintenant, il semblerait que les animaux anticiperaient des catastrophes naturelles comme des séismes, des tsunamis et des orages, par exemple. Donc, oui, on pourrait dire qu'ils ont peut-être un sixième sens. Mais est-ce que les animaux pourraient détecter ce qui nous échappe, nous les humains, et nous informer sur les dangers qui nous menacent? Est-ce que ce serait possible, ça, de se fier sur les animaux pour ça? Bien, il semblerait que leur instinct ne les trompe pratiquement jamais et leur proximité avec la nature en ferait les meilleurs alliés de l'homme dans la prévention des risques naturels et industriels qui menacent la Terre. C'est en fait comme des donneurs d'alerte, par exemple, d'un prochain séisme ou d'une émanation de gaz nocifs, parce que c'est des choses que nous, on peut pas vraiment détecter. C'est ça. Et ces animaux qu'on pourrait appeler sentinelles, ils donnent des signaux par leur comportement et leur métabolisme qui... Puis là, ben, ce serait à nous de les écouter pour mieux les comprendre. Ah, puis de bien les interpréter, effectivement, oui. Ces signaux. Pour vous donner un exemple, au siècle dernier, ben, il y avait le fameux canari là, qu'on utilisait dans les mines pour prévenir les fameux coups de grisou. Oui. Donc là, on savait que les coups de grisou, c'était très dangereux. C'est un gaz naturel qui est très dangereux là, dans les mines. Ça se dégage des couches de charbon et ça peut exploser à la moindre étincelle. Donc, les mineurs emportaient un canari en cage avec eux. Et quand ils se mettaient à s'agiter ou carrément mourir, ben là, ça donnait un signe que là, il fallait remonter au plus vite. Parce qu'il y avait, autrement dit, du gaz naturel. Oui, dans l'air. C'est ça, dans l'air. Qu'on voit pas et qu'on sent pas. C'est ça. Nous, on sent pas, mais l'oiseau, lui, il détecte. Exactement. Il s'évanouit ou il meurt, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une alerte, en fait. Oui. Un autre exemple des capacités extraordinaires des animaux, et c'est très intéressant, les éléphants seraient capables d'entendre les fréquences sonores qu'on appelle infrasons. Des orages. En effet, les infrasons qui sont produits par les orages, ils sont émis à une fréquence que les éléphants sont capables d'entendre. Donc, on pourrait se servir des éléphants comme un genre de baromètre pour prévenir les orages, qu'eux, ils les entendent vraiment beaucoup plus tôt que nous. Nous, on l'entend, il est arrivé presque. Puis les infrasons, on sait que c'est des sons qui sont en bas du spectre qu'on nous entend. C'est ça, nous, on n'entend pas ça. Non, c'est ça. Nous, les éléphants sont capables de les entendre. OK. Mais il semblerait que les animaux puissent nous avertir de menaces encore plus dangereuses, comme les tremblements de terre, par exemple. Oui. Les Japonais, en fait, sont persuadés que le grand séisme qui a ravagé Tokyo en 1923 et qui a fait 140 000 morts va se reproduire. Ah bon? Donc, outre les entraînements réguliers qu'on propose à la population, il y a certains scientifiques qui ont fait des études sur les comportements des animaux pour sauver des vies. Parce que on voudrait empêcher, en fait, qu'il y ait autant de morts. Malheureusement, la catastrophe est impossible. Mais savoir décoder les signes qui sont donnés par les animaux, ça reste un des moyens peut-être envisagés pour prévenir la population d'un séisme imminent. Peut-être prévenir un peu plus tôt. Ailleurs, en Chine, c'est des serpents ou des pigeons qui servent d'animaux sentinelles. Il y a des scientifiques chinois qui ont annoncé avoir développé une nouvelle façon de prédire les tremblements de terre en observant le comportement des serpents. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des experts d'une ville qui s'appelle Nanning, qui est dans la province du Guangxi. Ils surveillent en permanence des fermes de serpents avec des caméras qui sont reliées à Internet. Et selon eux, les serpents peuvent détecter un tremblement de terre à une distance aussi grande que 120 km, et jusqu'à 5 jours avant que le tremblement de terre se produise. Les serpents se comportent de manière vraiment erratique. Ils se jettent sur les murs et essaient de se sauver. Et c'est des indicateurs qu'il se passe quelque chose. Donc, selon le directeur du Bureau des tremblements de terre, parmi tous les êtres vivants, les serpents seraient probablement les plus sensibles aux tremblements de terre. OK. C'est quand même incroyable, parce que ce que ça veut dire, c'est que, premièrement, quand il y a un tremblement de terre, on parlait de 5 jours auparavant, ça veut dire qu'il y a déjà commencé. Il y a une action déjà qui s'opère, que nous, on ne voit pas, qui est complètement imperceptible, mais qu'eux sentent, c'est ça. Puis c'est comme s'ils se préparaient quelque chose, mais qu'eux étaient capables de le capter. Et c'est étonnant que eux. Puis, en fait, pourquoi eux? C'est ça qui est incroyable. Et donc, quand un tremblement de terre est sur le point de se produire, les serpents ont des comportements étranges, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils se mettent aussi à sortir de leur nid, même en plein hiver. Ça, c'est pas normal si les serpents sortent de leur nid en plein hiver. Si le tremblement de terre à venir est important, là, ils vont se jeter sur les murs pour essayer de s'échapper. Là, c'est vraiment le symbole que quelque chose de grave là, qui se prépare. Et Nanning, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'elle est située dans une région où les tremblements de terre sont très fréquents. C'est une des 12 villes chinoises les plus surveillées par le système de télédétection. Donc, c'est très intéressant pour eux autres. Mm-hmm. Les scientifiques pensent aussi que les chiens peuvent entendre et percevoir des sons inaudibles pour nous, les humains, si on le sait, mais qui peuvent percevoir des vibrations et des hautes fréquences, là, un peu comme peut-être les serpents, là, quelques jours avant, ils peuvent entendre des choses. Donc, ils sont meilleurs que nous pour... ils peuvent servir à prévenir aussi l'arrivée d'un tremblement de terre. Il y a certaines espèces animales qui possèdent des facultés psychologiques, plutôt physiologiques, à vraiment étonnantes face aussi aux pollutions et à l'arrivée d'une catastrophe naturelle imminente. Ça, on en a eu la preuve en 2004, quand il y a eu le fameux tsunami en Indonésie. Oui, oui, le 26 décembre. Oui, avec 175 000 morts et 125 000 disparus. Le tsunami qui s'est produit en 2004 dans l'océan Indien, ça a vraiment marqué tout le monde. Et il y a une chose qui est surprenante. Après la catastrophe, ben, on a dénombré pratiquement aucune victime animale. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant le tsunami? Est-ce que les animaux ont été capables de sentir la vague meurtrière arriver? En fait, dans ce cas, pourquoi les hommes ont-ils été si peu attentifs à leurs signes? Ben, certaines espèces, comme les oiseaux du parc naturel de Yala au Sri Lanka ou les éléphants en Thaïlande, auraient même inquiété des touristes par leur comportement inhabituel. Mais on ne comprenait pas vraiment pourquoi qui agissaient comme ça. Il y a des poissons, des grands fonds marins qui ont été aperçus dans des eaux peu profondes. Ça, c'est un autre signe. Ensuite, il y a des éléphants qui, comme je l'ai dit, ils sont bons pour entendre les vibrations. Bien, plusieurs heures avant l'arrivée de la grosse vague, il y a même des touristes qui ont été sauvés par des éléphants en Thaïlande parce qu'ils ont comme été alertés là, justement par ces sons-là que nous, on n'entendait pas. Il y a des visiteurs aussi qui ont été alertés par des oiseaux dans le parc naturel de Yala au Sri Lanka. Et ce qui est troublant, c'est que là, ben, on rapporte de plus en plus de comportements animaux troublants et anormaux avant l'arrivée du tsunami. Okay. Puis il semblerait que ces animaux-là ont vraiment senti venir la catastrophe. Mais malgré cela, entre témoins et scientifiques, là, ben, les avis restent un peu partagés. La science va peut-être être capable un jour de vraiment mettre au point un système d'alerte là, au tsunami aussi efficace, peut-être que le sixième sens des animaux, dont on ne comprend pas vraiment comment il fonctionne, et aussi un système là, pour prévenir mieux les tremblements de terre. Mais une chose est certaine, ben, il semblerait que nos amis les animaux ont vraiment un sens inné pour ça. Et quand leur comportement devient habituel, ben, c'est un indice qu'il se passe quelque chose. Puis souvent, ben, ça peut être un danger. Donc, il faut être attentif et il vaut mieux peut-être les écouter plutôt que de les ignorer. Oui, c'est un fait. Et effectivement, comme tu dis, dans le fond, on pourrait faire des centres d'observation en les observant, finalement, pour essayer de prédire. Oui, ça pourrait être peut-être mieux documenté c'est un fait. À ce niveau-là pour essayer de faire des liens entre un comportement et une catastrophe qui survient un peu après. Oui, c'est un fait. Merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Alors, on va faire une pause publicitaire sur CKRL et on vous revient après, toujours dans notre émission sur les sens, avec Jean-Daniel Doucet. Restez à l'écoute.